Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à ce que peut être une république au Moyen-Âge. Oui, nous allons parcourir la Provence, les cités italiennes. Le mot république nous intrigue, il est au cœur de l'actualité. Certains, aujourd'hui, en Biélorussie par exemple, se battent pour ces notions de république. Qu'est-ce que la république, cette chose publique? Allons en Italie, allons dans le sud de la France au Moyen-Âge. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans le mot république, il y a le mot res. En latin, la chose, res publica, la chose publique. Chose non pas au sens de bidule, de truc de machin, truc muche. Non, cette chose est celle que l'on plaide, la cause que l'on défend. En l'occurrence, le bien public, le bien de tous. Mais là encore, ce qui est public dépend des limites données. Qui sont ceux qui participent à la vie politique de la cité? Souvent des hommes, souvent des riches, quelques familles. Le mot « république » entre tardivement dans notre langue, au XVe siècle, et il se déploie au siècle suivant. Mais la république d'alors ne possède pas le sens qu'elle a aujourd'hui. La définition ne vaut que dans un contexte précis. Et pourtant, toutes ces expériences sont des laboratoires qui nous aident à saisir cette chose, la République. Aujourd'hui, nous parcourons la Provence et l'Italie au Moyen-Âge. Quand des cités ont fait le choix de la République, ces expériences du passé ont quelque chose à nous dire. Cette semaine dans le cours de l'histoire, les expériences républicaines à travers les âges de la Rome antique. Aux expériences républicaines dans les îles sous la Révolution avec Toussaint l'Ouverture. Et puis aujourd'hui, les républiques du Moyen-Âge. Des émissions à réécouter sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr. Et puis en podcast, c'est la balado-diffusion. Aujourd'hui, un parcours en Provence et en Italie avec vous, Claire Jude de la Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse 2, vous êtes chercheuse attachée à l'Université de Londres et en tant qu'historienne, vous avez étudié particulièrement Venise et encore plus Murano, donc juste à côté de Venise, une île à côté de Venise. Vous êtes l'auteur de La révolte des boules de neige, Murano face à Venise, c'était en 1511, un ouvrage publié chez Fayard. Effectivement, Claire Jude de la Rivière, évoquer république, cité et Moyen-Âge nous conduit, c'est vrai, facilement à Venise, hein. La République de Venise, la Sérénissime. Dites-nous, on est dans une exception. On a l'impression que la République n'est jamais médiévale, mais si, elle l'est. Alors en réalité, oui, en Italie, mais on verra évidemment que ce n'est pas seulement le cas de l'Italie. Il y a plusieurs expériences, vous avez parlé de laboratoire politique, et c'est vraiment un mot très important, plusieurs expériences qu'on appelle en réalité communales, mais qui vont donner lieu à des formes de gouvernement partagées qu'on peut définir comme des républiques. Voilà, des républiques que nous allons parcourir, mais presque au-delà de la République, parce que le mot est anachronique. Au Moyen-Âge, on parle de choses publiques, de res publica, je le disais en introduction. Le mot rentre dans notre langue au XVe siècle, et pourtant, nous l'utilisons pour qualifier des expériences que nous allons également découvrir en Provence avec vous, Simone Balossino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, maître de conférence en histoire médiévale à l'Université d'Avignon. Vos recherches portent sur les pratiques de gouvernement urbain, les relations entre les communautés urbaines et le pouvoir seigneurial, parce que dans le schéma que nous avons pour le Moyen-Âge, il y a des rois, il y a des seigneurs, mais non, il y a d'autres formes de gouvernement. C'est intéressant parce que Claire-Jude de la Rivière, vous êtes en poste à Toulouse, Simone Balossino, vous arrivez de l'Université d'Avignon avec un accent italien, vous êtes italien. Il y a quelque chose de très particulier dans le Sud. On peut le dire tout de suite, ces expériences concernent l'Europe. Nous allons aujourd'hui particulièrement parler de la Provence et de l'Italie. Mais partout en Europe, il y a des expériences. Tout à fait. Disons qu'on pourrait dire qu'entre la fin du XIe siècle et le début du siècle suivant, tout au long du XIIe siècle, En Europe, se forme quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux centres d'intérêt qui se forment cette fois-ci dans les villes. La campagne, les centres ruraux, les châteaux sont un peu abandonnés hein, pour aller vite. Hein, et la ville devient le centre culturel, un centre économique important. Et un centre politique de premier plan. Et ça, en effet, est typique de l'Occident médiéval. C'est vrai qu'il y a certaines aires géographiques qui sont plus touchées, le nord de la France, les Flandres, l'Italie, et le Midi aussi, de ce qu'on appelle le Midi aujourd'hui, le Midi de la France, ces régions très diversifiées, hein, qui vont presque de Barcelone jusqu'aux côtes ligures de l'Italie, mais on aussi participe de ce mouvement de modification des structures sociales, politiques. Et essentiel, parce que ce contexte-là nous permet de comprendre la mise en place de ce que nous avons qualifié déjà de laboratoire politique. Hein. En écho à ce que vient de dire Simone Balossino, clergue de la Rivière, pour comprendre la mise en place de ces nouveaux modes de gouvernement, ce nouveau regard porté sur la chose publique, c'est vrai qu'il faut rappeler le contexte. Et nous nous trouvons donc fin du XIe siècle au XIIe siècle. Qu'est-ce qui explique que des cités ont voulu faire un choix particulier dans leur organisation institutionnelle, peut-être pas, mais en tout cas de gestion de la chose publique? C'est un contexte d'expansion économique très marqué dans toute l'Europe occidentale. Et donc, dans ce contexte de croissance, les villes sont les principales foyers de marchés, de nouveaux marchés économiques, de nouveaux marchés artisanaux. Et donc, les populations des villes s'enrichissent, évidemment pas tous les habitants des villes, et dans ce contexte, elles inventent un modèle politique un peu différent de celui qui domine jusqu'à présent, c'est-à-dire un modèle de domination seigneuriale et princier, pour, au contraire, mettre en place des institutions, effectivement, où le pouvoir est partagé entre plusieurs hommes, encore à l'époque, hein, au XIIe siècle, on les appelle des consuls. Ils sont parfois 4, 5, 6, ils vont jusqu'à 20. Et le principe, c'est qu'ils sont élus, choisis par leur pair pour représenter la communauté. Et c'est là une première rupture, et c'est ça qui nous renvoie évidemment à ce qu'est une république. C'est l'idée que le pouvoir est non seulement partagé, mais qu'il est là pour permettre une représentation politique d'un groupe plus large qui accepte en fait de donner une partie de la souveraineté à des représentants, les consuls au XIIe siècle. Donc cette expérience qu'on retrouve dans beaucoup de communes en Italie, mais effectivement, comme l'a dit Simone, dans toute l'Europe, y compris dans des cités beaucoup plus petites, voire des communautés presque villageoises qui cherchent et qui expérimentent ces formes de pouvoir en commun, évidemment pas nécessairement politiquement, mais pour une gestion du bien commun. C'est une expérience tout à fait intéressante et qui va évidemment entraîner aussi une mutation idéologique, politique, de la façon de penser le pouvoir. Claire Jude de la Rivière, vous connaissez particulièrement bien Venise au Moyen-Âge, et cette question de la souveraineté nous conduit pour ces modes de choix de celui qui va être à la tête de la cité à des interrogations que l'on retrouve dans l'émission Les Dossiers de l'écran. C'était le 18 décembre 1972 avec comme invité prestigieux, Fernand Braudel. Alors, les spectateurs posaient des questions. Ils demandaient par exemple, mais dites donc, est-ce que le doge était élu? La fonction de doge était héréditaire. La fonction du doge n'était pas héréditaire? Non, elle n'est pas héréditaire, bien sûr. Elle n'est pas héréditaire, il y a... Mais il était élu à vie? Il était élu à vie dans des conditions assez compliquées. Il y a des précautions prises pour que la petite noblesse ne l'emporte pas sur la grande, qui est un mélange. Mais je crois que quel que soit le système qui est adopté, le résultat est toujours presque connu d'avance. Il y a un certain nombre de familles, elles sont très peu nombreuses, et qui monopolisent, je dirais, les fonctions de doge. Ils étaient élus par des grands électeurs, non? D'abord par le peuple, et ensuite par des grands électeurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un nombre très restreint de familles qui d'ailleurs, dominent, et de plus en plus, je dirais, restreint. Il y a peut-être 50 familles qui comptent, vous entendez, sur la masse entière de la noblesse. Et ces 50 familles, 42 familles seulement, vers le XVIIIe siècle. Le droit de vote. Oui. Non, pas le droit de vote, ils conduisent, je dirais, ils sont les maîtres de la vie politique de Venise. Fernand Braudel à la télévision française dans Les Dossiers de l'écran. Oui, il y avait des grands historiens à la télévision française à des grandes heures qui expliquaient de manière sérieuse, issue de l'université, l'histoire. C'était en 1972, Claire-Jude de la Rivière. Si nous évoquons le cas de Venise. Venise se dote d'institutions qui peuvent étonner un voyageur qui... arriverait de France, un voyageur qui arriverait d'un royaume du Nord ou d'un royaume espagnol, qui voit ce cas très particulier, donc avec un système d'élection. C'est quelque chose de si nouveau que ça, l'élection dans une cité? Alors, c'est une procédure qui s'impose progressivement dans de nombreuses cités à partir du XIIe siècle, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'Église. Par exemple, c'est l'époque justement où se met en place la procédure pour élire le pape. Donc, des travaux récents ont montré que toutes les réflexions autour du vote, de l'élection, mais aussi du tirage au sort, puisque c'est ça qui fait la particularité de l'élection du doge, c'est qu'il c'est une combinaison entre des systèmes de vote, mais aussi de tirage au sort. On tire au sort ceux qui vont voter. On le retrouve en réalité dans de nombreuses expériences laïques et religieuses dans tout l'Occident. Ce qui est intéressant dans votre extrait, c'est qu'on voit bien qu'en réalité, dans ces républiques, il faut bien comprendre que, en tout cas à Venise, c'est une république patricienne, c'est-à-dire ceux qui votent, comme cela a été dit, ce sont les nobles, ceux qui appartiennent aux grandes familles patriciennes, qui rejoignent une institution qui s'appelle le Grand Conseil, et c'est au sein du Grand Conseil qu'on va voter et élire tous les autres magistrats, et effectivement, au cours du XIIe et XIIIe siècle, les institutions se multiplient, il y a de plus en plus d'institutions toutes élues qui vont permettre de gérer les différentes affaires de la commune, de la cité, affaires économiques, militaires, politiques. Donc ça, c'est très intéressant de voir ce système se mettre en place. Simone Balossino, dites-nous, en écho à ce que vient de dire Claire-Jude de la Rivière, il y a cet aspect qu'il faut souligner sans cesse quand nous évoquons les républiques au Moyen-Âge, ces cités qui ont fait ce choix particulier. Nous ne sommes pas dans la démocratie, tout le monde ne participe pas à la vie, il faut le rappeler sans cesse. Vous avez particulièrement étudié Arles et Avignon. Arles et Avignon, pareil, c'est un groupe de personnes qui détient le pouvoir. Comment se construit en fait ce pouvoir? À Venise, il y a des familles, ce sont des marchands ailleurs. En fait, il y a, comme nous disions, des laboratoires, tout est possible. Tout à fait, tout à fait. En effet, on assiste comme dans certaines villes italiennes, la mise en place de cercles oligarchiques. Ces familles, disons, plutôt aristocratiques, avaient déjà des fonctions à l'intérieur de la cité. Et c'est à partir de ces fonctions de soutien, de conseil, par exemple, autour de l'évêque, que une nouvelle idée de faire la politique se met en place. En effet, à ses débuts, ces nouvelles institutions urbaines, ce sont des oligarchies. Alors, dans le midi de la France, elles sont souvent divisées en deux grands groupes sociaux. Une classe qu'on pourrait définir des chevaliers, les milites, c'est au fond ceux qui font la guerre, ceux qui combattent à cheval. Mais dans le Midi, et particulièrement dans la basse vallée du Rhône, ces chevaliers ont d'autres activités aussi, c'est-à-dire diversifient leur métier des armes avec, par exemple, la pratique commerciale aussi. Les chevaliers d'Arles et Avignon n'hésitent pas à affréter des bateaux et soutenir les marchands étrangers, les aider dans leurs activités économiques. Quand nous parlons souvent de la chose publique, de la politique, nous imaginons une théorisation, une réflexion. Et c'est vrai qu'historiens, historiennes travaillent sur des écrits, il y a des traités. Dans le cas des républiques au Moyen-Âge, j'ai presque envie de dire que c'est la réalité qui conduit à la mise en place de ces expériences intéressantes. Claire-Jude de la Rivière, nous avons évoqué Venise rapidement, mais vous avez particulièrement regardé Murano. Donc Murano, déjà, faut rappeler où nous nous trouvons. Nous sommes juste à côté de Venise avec des spécificités. Oui, c'est une toute petite communauté au nord de Venise, mais en gondole au 15e, 16e siècle. Il faut une vingtaine de minutes pour rejoindre Venise et Murano. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une petite communauté de pêcheurs et de verriers, mais dans laquelle, bon, j'ai étudié un peu plus tardivement, début du 16e siècle, j'ai étudié les statuts et tous les actes qui sont produits par justement les différentes institutions communales, puisqu'à Murano aussi, on élit des représentants. Il y a un conseil des 30 avec 30 citoyens, habitants de Murano, qui vont gouverner la ville avec un podestat, qui est le représentant de Venise. Donc ce qui est très intéressant dans ce cas-là, mais qu'on retrouve partout ailleurs, c'est l'idée que, au-delà de la grande théorie sur le gouvernement, le bon gouvernement, le bien commun, le bien public qui se développe à partir de la fin du XIIe siècle et qui évidemment va se des travaux de d'intellectuels, de penseurs qui vont se multiplier aussi avec l'humanisme, il y a en parallèle tout un mouvement de réflexion dans les populations, dans les institutions populaires, communales, communautaires, sur justement ce qu'est le bien public, sur ce qu'est ce bien commun qu'il faut gérer. Donc parler de république, c'est évidemment parler de grands systèmes institutionnels qui ont laissé des traces très importantes dans les sources, c'est parler d'une théorie politique, mais c'est aussi, je crois vraiment, parler de systèmes de gestion communautaire que l'on retrouve dans de très nombreuses institutions dans l'ensemble de l'Occident médiéval. D'ailleurs, nous sentons qu'il y a toujours un rapport de force dans ce souci donné à la gestion de la chose publique, la res publica, il y a cette notion de cause, hein, de défendre le bien public. Et dans ces tensions, Murano est un très bon exemple, hein, dans les tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur même de cette micro-cité et surtout dans les tensions qu'il peut y avoir avec Venise. Oui, ça a été un cas intéressant parce que effectivement, vous l'avez rappelé au début, on dit que Venise est la sérénissime, c'est-à-dire la très sereine, la république où il n'y a pas justement de révolte, et c'est pour ça que je m'étais intéressée à ce cas, mais justement qui résonne avec une révolte par contre qui a été une révolte très importante et essentielle et qui nous ramène à une autre république très intéressante, c'est celle de Florence, avec la révolte des Ciompi en 1378, qui sont les artisans, les ouvriers de la laine, et donc on voit bien dans l'expérience florentine, au contraire, une république plus populaire, où à Florence, on va laisser accès aux arts mineurs, c'est-à-dire aux gens de métier, pour élire des représentants qui vont participer au gouvernement. Donc on a aussi des formes de république en Italie qui ne sont pas seulement aristocratiques, où il va y avoir un accès à cette représentation politique, y compris des travailleurs. Oui, c'est ça qui est intéressant dans cette notion de république. Nous voyons bien que nous sommes loin du système démocratique que l'on ne doit pas calquer d'aujourd'hui sur ce qui se passait au Moyen-Âge. Malgré tout, avec une échelle de graduation, il y a une participation de la population au système. Donc, Simone Balossino, oui, bien sûr, quelques familles ont le pouvoir, mais l'ensemble de la communauté est concernée avec ces républiques. Oui, oui, parce que déjà... Alors, c'est très difficile de parler de province et d'Italie parce qu'on compare des réalités complètement différentes, bien évidemment. Mais la question de la participation politique, comme Claire le disait, se pose aussi dans des villes de plus petite dimension, hein, les villes du Midi. Alors, mis à part quelques villes de grande taille comme Narbonne ou Marseille, c'est des villes où on ne dépassait pas les 8000, les 9000 habitants. Et c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Et dans ces villes, la participation politique était pensée dans le collectif. En effet, vous le disiez tout à l'heure, il y a une réflexion théorique qui s'est faite et dans le Midi de la France, cette réflexion passe par le droit, par les juristes, donc se fait sur les notions calquées de la Rome antique, parce que le droit qu'on étudie dans le Midi de la France, c'est un droit savant, c'est un droit romain ancien et un droit canonique. Donc les juristes des cités réfléchissent à cette question de la chose publique, mais à la fin, ce sont les habitants, les citoyens, pas tous bien évidemment, mais les citoyens réunis en parlamentum, réunis dans une assemblée générale, qui choisissent, qui élisent, avec des procédures qui rassemblent beaucoup à celles citées par Claire, dans les villes italiennes, c'est-à-dire des procédures qui mêlent du tirage au sort avec des paliers de choix et des décisions, hein, choisissent les représentants du conseil, et les représentants du conseil ensuite sont choisis pour élire les magistrats annuels. Et ça, c'est une grande nouveauté dans le système politique urbain de cette époque, c'est l'annualité de la charge publique, c'est-à-dire c'est vrai que cette charge publique est tenue aux mains d'un groupe assez restreint de familles, mais ces familles ont une rotation au sommet du gouvernement urbain, et cette rotation permet, au moins on le voit dans les villes que j'ai étudiées, on voit un certain équilibre se mettre en place. cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit interne, hein, mais il y a un équilibre qui permet à ce système de perdurer dans le temps. Voilà, nous évoquons ces républiques médiévales qui perdurent dans le temps. Vous avez raison de le souligner, Simone Balossino. Il y a un laboratoire intéressant qui dure dans le temps, mais qui évolue. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous évoquons les institutions de ces républiques médiévales, de ces cités avec des institutions particulières, avec des élections possibles, des tirages au sort. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans l'émission Chercher la France. C'était sur la troisième chaîne de la télévision française en janvier 1988, qui nous proposait une petite balade à Toulouse avec ce son charmant du guide, le guide personnage essentiel de nos visites estivales. Et justement, nous allons bien sentir dans cette visite que l'institution toulousaine issue du Moyen-Âge fait partie de l'identité aujourd'hui encore. Les comtes de Toulouse nous ont donné une administration au milieu du XIIe siècle, une administration qui va se trouver située au nord de la cité médiévale, et ça a remplacé en cette administration, il y a à l'heure actuelle, la mairie de Toulouse. La mairie n'a pas bougé de place depuis la fin du XIIe siècle. Alors cette administration s'appelait à l'origine le Capitum, qui a donné le mot Capitole ensuite. Il s'agissait d'un conseil de 12 personnes qui étaient élues par la population de Toulouse pour administrer la cité pendant un an. Et au bout d'un an, on changeait. L'administration des capitouls a duré jusqu'à la Révolution française. C'est à partir de 1789 qu'on a eu un premier maire. Alors le bâtiment actuel, le Capitole, est une construction du XVIe siècle que l'on doit à Nicolas Bachelier, le Michel-Ange de Toulouse, et puis ensuite une grande façade somptueuse qui a été réalisée au XVIIIe siècle avec 8 colonnes en marbre rose qui symbolisent les 8 capitouls qui administrent donc la cité. Le Michel-Ange de Toulouse. Nous entendons ce vocabulaire hein, lié à la cité médiévale. Il y a des consuls, il y a les capitouls. Là, nous étions donc dans une émission de France 3, une histoire de Toulouse, à l'évocation de ce système toulousain. Dites-nous, Simone Balossino, peut-on comparer ces différentes villes? Nous avons évoqué Toulouse, vous connaissez bien Arles, Avignon, puis ces autres villes. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ces villes dans leur organisation? Alors, il faut préciser au départ que au Moyen-Âge, toutes ces villes du Midi, aujourd'hui on les met dans une enveloppe commune, hein, le Midi de la France, mais il s'agissait au XIIe et au début du XIIe siècle, au moins encore, d'espaces complètement différents, d'espaces politiques différents. Donc on ne peut pas trop comparer politiquement une ville comme Perpignan, très liée au comté de Barcelone, à la monarchie des rois de Majorque, avec le comté de Toulouse, avec le comté de Provence. Et la Provence, notamment, n'était pas en France, ne faisait pas partie du royaume de France. Ça, c'est un élément qu'il faut rappeler. Et elle était sous le dominium, en quelque sorte, de l'empereur germanique. Donc, c'est une région qui est plus proche politiquement, culturellement, du monde de l'Italie centrale, de l'Italie septentrionale, disons que du nord de la France. Cela dit, il y a un élément commun, et ça on l'a entendu dans l'extrait sonore, le souvenir de Rome. Et à mon avis, c'est de là qu'il faut partir, c'est-à-dire ce Rome était dans ces régions méridionales, méditerranéennes, si je puis dire, beaucoup plus qu'un souvenir, et d'une présence concrète. Il suffit de penser à l'aspect architectural des, imaginons aux arènes qui étaient habitées, qui étaient utilisées, au reste des forums à Arles, à Nîmes. Donc c'est des villes profondément romanisées, et l'art romain qui apparaît au XIIe siècle utilise les éléments de l'architecture romaine comme un exemple, comme un modèle en quelque sorte. Et les modèles politiques des consulats, c'est des modèles qui ont encore ce souvenir romain. Vous parlez hier de la République en toge. On connaît bien les symboles des consulats méridionaux et la plupart des consuls se font représenter dans les bulles utilisées pour sceller les parchemins, se font représenter avec une toge romaine, un paludamentum romain. Donc il y a beaucoup plus qu'un souvenir dans la Rome antique, et le terme de res publica, qui est très peu utilisé en effet dans les sources, mais qui est utilisé en effet, renvoie à quelque chose de très concret, à une présence, à une volonté, de remplir cette chose qui est au départ indéterminée, de la remplir avec du contenu très pratique. Claire Jude de la Rivière, vous partagez aussi cette analyse à propos des villes italiennes. Alors déjà, il y a des écarts majeurs entre Venise, Florence et les autres villes par les expériences politiques, mais vous retrouvez vous aussi cet héritage antique? Alors on retrouve cet héritage antique et puis on retrouve une culture commune. C'est vrai que faire l'histoire de l'Italie, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a une histoire commune, disons un grand mouvement qui peut être identifié dans l'Italie centrale et l'Italie du Nord durant toute cette seconde partie du Moyen-Âge. Mais en réalité, chacune de ces cités dont on a parlé de Florence, de Venise, mais on pourrait parler de Milan, on pourrait parler de Gênes, ont eu un développement très spécifique, très particulier. Donc effectivement, dans ce socle commun, il y a un héritage, il y a une culture qui se construit aussi sur une langue de communication qui est différente d'une république à l'autre, même s'il y a des similitudes. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Et ensuite, la grande différence par rapport à ce que vient de dire Simone, justement, c'est que ces cités, elles sont autonomes. Et c'est vrai que dans le comté de Toulouse ou de Provence, les villes vont être profondément liées au prince, alors que à Venise, justement, le doge est le prince de la cité. Alors c'est un représentant de la souveraineté collective, mais il n'y a pas d'autorité supérieure qui domine ni Venise, ni Florence, ni Milan. Donc ça, c'est une des particularités aussi partagées par l'ensemble de ces cités. Des cités sans roi, républiques urbaines au Moyen-Âge, oui, dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous réfléchissons à ce qu'était cette chose publique, res publica, la république, et justement pour relier les expériences italiennes et provençales, eh bien nous allons faire un petit tour à la Venise provençale par une chanson créée par Alibert en 1934. C'était l'opérette Arène joyeuse, musique de Vincent Scotto, et l'interprétation aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est Georges Brassens. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins chantez toujours, barques eaux douces, couleurs collines rousses, de fleurs au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Cher petit village au bord de la mer, je te laisse en gage tout ce qui m'est cher. L'éternel été d'un ciel enchanté où j'ai cru vivre un jour tous mes rêves. Pays que j'aimais, je dois désormais loin de toi m'en aller à jamais. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins chantez toujours, barques eaux douces, couleurs collines rousses, de fleurs au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. La La Venise provençale chantée par Georges Brassens dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père Hellegras avec aujourd'hui à la technique Pascal Baudin. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous trouvons en Provence, en Italie. Nous parcourons ces cités sans roi, ces républiques urbaines au Moyen-Âge, Clairejude de la Rivière. La question de république nous conduit toujours à réfléchir sur la participation de la population à l'institution qui varie d'une cité à l'autre. Quelle est la place du peuple? Quelle est l'attention portée au peuple? Nous avons, si nous pensons à Venise, des républiques liées au commerce. Et nous le sentons bien, ces républiques urbaines sont souvent liées au commerce. Y a-t-il une réflexion sur le peuple? Le peuple doit participer. Alors la question du peuple, elle est essentielle en effet. Le mot devient un concept politique vraiment important justement à partir de l'époque communale, et il faut tout de suite bien avoir en tête que ce mot distingue beaucoup de choses différentes, et en tout cas deux entités vraiment très différentes. D'une part, c'est une idée politique. Quand on dit le peuple, en Italie il popolo, c'est vraiment la souveraineté collective de la cité. Et puis il y a une réalité socio-économique, le peuple, le petit peuple, ce qu'on dit en français, on appelle ça le petit peuple, c'est-à-dire effectivement les marins, les domestiques, les ouvriers. Et les deux choses sont très différentes. Donc il n'y a pas de les deux choses ne se rencontrent pas. Donc le popolo au sens politique effectivement devient un concept central dans toute la rhétorique politique, le discours de ces nobles justement qui dirigent la cité, qui la défendent au nom du peuple comme entité collective, comme souveraineté collective. Le petit peuple, lui, participe de façon très lointaine, en fait, à ces institutions. Il y a des acclamations publiques ou des assemblées générales, comme en Provence, mais en réalité, leur rôle ici est plus symbolique, acclamer, par exemple, le nouveau doge qui vient d'être élu. Cela dit, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que justement dans des institutions populaires, comme par exemple les guildes, ce qu'on appelle les corporations de métiers, il y a des micro-usages qui rappellent ces usages justement de partage du pouvoir, d'élections, de charges électives qui vont tourner. Dans chaque guilde, il y a un représentant qui est élu chaque année, un secrétaire, un trésorier. Et donc ici, on retrouve aussi justement une expérience républicaine, ce qui peut être aussi particulièrement intéressant parce qu'elle implique des femmes dans beaucoup de ces confraternités ou de ces corporations. Il y a des femmes. Et donc c'est aussi une façon de voir que cet idéal républicain, ou en tout cas on pourrait le nommer comme ça, c'est absolument pas des catégories qui auraient été utilisées à l'époque, mais elle mettait en jeu effectivement différentes strates de la population, des hommes comme des femmes. Oui, c'est un élément à prendre en compte évidemment dans l'analyse, ce n'est pas une république confisquée par quelques familles, c'est un schéma beaucoup plus complexe. Clairejude de la Rivière, vous êtes l'auteur de La révolte des boules de neige, Murano face à Venise, en 1511, donc au début du XVIe siècle. Vous connaissez très bien cette période de Venise, 15e, 16e siècle. Alors je voudrais votre commentaire sur un son qui date de 1959. C'est une évocation radiophonique créée par René Guerdan dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident. C'était en novembre 1959. Et en novembre 1959, eh bien, à la radiodiffusion française, il y avait l'imagination d'une discussion sur l'évolution du pouvoir à Venise. C'était une séance du Conseil des Dix. Venise, oui ou non, a-t-elle intérêt à rester ce qu'elle est, à garder son régime aristocratique, à maintenir le peuple écarté de la vie publique? Alors cessez de tolérer tous ces livres qui, en démocratisant le savoir, vont redonner à la plèbe la nostalgie du pouvoir. Et vous osez tenir de pareils propos et vous ne rougissez pas. Vous n'avez donc rien compris à ce qu'est Venise. Venise n'est donc pour vous qu'un simple régime aristocratique. Mais Venise, c'est dans ce monde de ténèbres le seul point clair. Venise, c'est le flambeau de la liberté. Oh, allez dire cela dans les quartiers populeux. Et pourquoi pas? Nous avons écarté le peuple de la vie publique, mais pourquoi donc, je vous prie? C'est uniquement pour préserver les libertés publiques. C'est pour l'empêcher de se jeter par manque de maturité politique, comme tel fut jadis partout le cas en Italie, dans les bras d'un démagogue, dans les tentacules d'un despote. Car pour nous, Vénitiens, tous les hommes sont frères. Nous ne reconnaissons pas le droit divin. Nous n'avons exclu le peuple de la vie publique que pour la fragilité de son intellect, non pour une infériorité transcendante. En 1959, la radiodiffusion française imaginait donc une séance du Conseil des Dix à Venise, une séance au XVIe siècle. Dites-nous, Claire-Jude de la Rivière, dans cette séance, imaginez donc, il y a cette discussion sur la place du peuple, il faut préserver le peuple des tyrans, et puis tout le pouvoir n'est pas au peuple parce qu'il n'a pas encore les capacités de s'occuper des affaires publiques, donc ces affaires publiques sont prises en charge par une partie de la population. Quelle lecture faites-vous de ce qui est ainsi proposé ? Alors c'est un dialogue imaginaire qui n'aurait pas pu se tenir au XVIe siècle et on voit bien qu'il reflète des préoccupations beaucoup plus tardives dans les catégories qui sont utilisées, dans la façon dont on parle du peuple, dans la façon dont on imagine le pouvoir. C'est vrai qu'à Venise, dès cette époque, dès le XVIe siècle, les patriciens eux-mêmes hein, qui tiennent beaucoup de discours publics et on en a plusieurs traces dans des archives publiques préservées à Venise, mais aussi dans des chroniques. On a en particulier un très célèbre chroniqueur qui a produit des milliers de pages entre 1500 et 1536 en racontant justement ces débats publics. Donc on les connaît. Et les patriciens avaient cette capacité effectivement à construire un discours sur leur propre république, c'est-à-dire à promouvoir déjà le modèle effectivement d'une cité libre qui gardait son autonomie, mais où on n'aurait pas exactement trouvé les discussions en ces termes. Cela dit, effectivement, il y a une réflexion qui commence dans toute l'Italie à partir du XVIe siècle sur ce qu'est justement ce bien public qu'il faut défendre et ce qu'est la République. C'est-à-dire que le vrai renouveau des théories de la République commence au XVe siècle à Florence et ensuite dans toute l'Italie, puis dans toute l'Europe au XVIe siècle. Et donc, on retrouve une réflexion, on la retrouve chez Machiavel, bien sûr, sur cette question des républiques populaires ou nobiliaires et sur la façon d'équilibrer les pouvoirs entre ce qui revient au peuple et ce qui revient à une élite qui dirige les institutions. Et puis plus globalement, il y a la question de la place d'une cité libre, d'une cité autonome dans un ensemble plus vaste. Alors, il y a le cas particulier de l'Italie avec des cités qui vraiment affirment leur indépendance, comme Venise, comme Florence. Et puis, il y a ce cas des cités, des villes en Provence. Simone Balossino, comment s'organise le dialogue avec un pouvoir plus vaste? Parce que nous imaginons facilement que un souverain regarde cela en disant « Mais cette cité, pourquoi est-elle libre? C'est ma cité. » Enfin, vous voyez, autorise-t-on ces cités à être libres? Alors, l'histoire, si on le regarde de façon générale, l'histoire, le chemin accompli par cette ville est un chemin qui se fait dans la violence. Même si, au tout début, c'est-à-dire vers les années 1130, les années à partir desquelles on voit apparaître quelques magistrats dans certaines villes, les pouvoirs en place, les pouvoirs seigneuriaux sur place, notamment les évêques, semblent accompagner en quelque sorte à ses débuts l'institution du consulat. Au fur et à mesure que les demandes d'autonomie et de liberté se font de plus en plus larges et insistantes, ben les rapports avec les pouvoirs supérieurs, soit les évêques, les comtes, ou les empereurs ou le roi de France pour le comté de Toulouse, pour le comté, oui, la partie, le Languedoc, le comté de Toulouse, eh bien, deviennent problématiques. En effet, le XIIIe siècle est un siècle qui s'accompagne aussi bien d'un agrandissement de la participation politique, et on voit aussi dans ces villes méridionales la mise en place de groupes politiques nouveaux, des confréries, des guildes de métiers, voilà, des confréries de métiers plutôt, et aussi une augmentation de la violence vis-à-vis des pouvoirs en place. Il faut dire que le contexte est préoccupant. Au début du XIIIe siècle éclate dans le Midi la croisade contre Raymond de Toulouse et ses soutiens de l'Albigeois. Donc c'est un climat de guerre et les questions politiques générales, c'est-à-dire la lutte entre le pape et l'empereur et le contexte de la croisade albigeoise, rentre dans chaque ville et anime le contexte politique. L'anime est, en quelque sorte, le fait modifié. Parce qu'il ne faut pas imaginer ces réalités urbaines comme quelque chose de figé, mais il faut vraiment le penser comme, comme vous avez dit au départ, des expérimentations. Et le système politique évolue, aussi bien en Italie que dans le Midi, vers des formes dans lesquelles la participation politique est plus facile. Dans le Midi, on passe d'un système régi par des familles, par un groupe de familles issus de la chevalerie ou bien de la bourgeoisie, qu'on pourrait définir la bourgeoisie, l'élite bourgeoise, hein, à un système où il y a un seul magistrat désormais qui régit la cité, le podestat. Oui, le podestat, faudrait le définir. En fait, c'est un magistrat, d'ailleurs, qui peut passer d'une cité à l'autre. Qui doit certains. Passer même d'une cité à l'autre. Faire, ouais. Et il y a un véritable circuit qui se met en place. Le podestat est un magistrat unique qui prend la place des consuls pour le pouvoir exécutif. Le pouvoir est toujours dans les mains du conseil qui choisit le podestat. Cette fois-ci, le podestat n'est pas élu, est choisi, est payé. On lui donne un salaire pour l'année en charge, qui peut être renouvelé éventuellement. Il doit avoir quelques caractéristiques simples. Il doit être un étranger, et cela pour ne pas être mêlé dans les affaires de famille, tous ces petits problèmes du quotidien. De la cité. Et il doit être catholique, bien sûr, une bonne réputation, et il doit avoir une compétence. En effet, le podestat est un technicien de la politique, appelé pour porter la cité à un autre niveau d'importance vis-à-vis des autres pouvoirs. C'est en ça que ce que vous nous racontez est passionnant, Simone Valossino, parce que en réfléchissant sur ces expériences républicaines au Moyen-Âge, nous voyons des expériences presque, j'allais dire, oubliées aujourd'hui. Et d'ailleurs, la mémoire de ces expériences est restée. Je vous propose de faire un petit tour dans les lettres persanes de Montesquieu. Donc nous sommes au XVIIIe siècle, en 1721. C'est un extrait qui nous est lu par Élodie Hubert. Les plus puissants États de l'Europe sont ceux de l'empereur, des rois de France, d'Espagne et d'Angleterre. L'Italie et une grande partie de l'Allemagne sont partagées en un nombre infini de petits États, dont les princes sont, à proprement parler, les martyrs de la souveraineté. Nos glorieux sultans ont plus de femmes que quelques-uns de ces princes n'ont de sujets. Ceux d'Italie, qui ne sont pas si unis, sont plus à plaindre. Leurs états sont ouverts comme des caravansérats, où ils sont obligés de loger les premiers qui viennent. La plupart des gouvernements d'Europe sont monarchiques. C'est un état violent qui dégénère toujours en despotisme ou en république. La puissance ne peut jamais être également partagée entre le peuple et le prince. L'équilibre est trop difficile à garder. Il faut que le pouvoir diminue d'un côté pendant qu'il augmente de l'autre. Un extrait des lettres persanes de Montesquieu, lu par Élodie Hubert dans le cours de l'histoire. Claire Jude de la Rivière, Montesquieu évoque ici un équilibre et nous sentons, d'ailleurs c'est clairement dit, des tensions sans cesse, un combat, un bras de fer entre le peuple et le prince. Dans le cas des villes italiennes, pour Florence et pour bien d'autres, la confiscation du pouvoir, un individu ou une famille qui s'accapare le bien public est un schéma que l'on retrouve fréquemment. C'est l'évolution de la République, celle que Montesquieu regarde avec un œil méfiant. C'est-à-dire qu'effectivement, les communes vont évoluer progressivement dans toute l'Italie à partir de la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle vers des régimes qu'on appelle des seigneuries. C'est-à-dire qu'effectivement, quelques familles vont s'emparer du pouvoir. C'est le processus qui va conduire les Médicis à la tête de Florence, par exemple, ou les Visconti à Milan. Donc ce processus entraîne une transformation des institutions collégiales, mais qui ne disparaissent pas. Donc il y a effectivement l'apparition de grandes familles seigneuriales et cette évolution vers des régimes seigneuriaux, mais pour autant, les institutions communales se transforment, évoluent, se maintiennent, et le pouvoir continue d'être partagé, même s'il y a désormais un prince. Et je voulais ici insister sur une chose, vous parliez justement de ces expériences oubliées. Ce qui est très intéressant au Moyen-Âge, et vous voyez, puisque depuis le début on parle de bien public, mais aussi de bien commun, c'est toute la réflexion qui commence autour de ce qu'est justement ce commun, ce bien commun, ce qui est en commun. Et on voit combien cette discussion aujourd'hui, dans notre monde politique contemporain, est devenue essentielle sur ce que sont les communs, les biens communs, les commons. Et on retrouve dans tous ces débats médiévaux des sources d'inspiration tout à fait fascinantes. Oui, ces sources d'inspiration, et c'est d'ailleurs pour ça que le cours de l'histoire s'intéresse à cette réflexion sur la chose publique, avec ce mot, hein, chose qui nous intéresse. Il y a quelque chose à plaider, Simone Balossino. En écho à ce que vient de dire Claire-Jude de la Rivière, vous retrouvez aussi aujourd'hui ces réflexions sur comment partager le pouvoir, qui a le pouvoir. Pour le cas des villes de Provence, c'est sûr que l'autorité écarte très vite cette autonomie et cette liberté. Mais malgré tout, les cités, elles, réfléchissent à comment s'organiser et comment rester indépendantes et autonomes. Tout à fait. Il y a des confirmations d'autonomie données par les évêques, par exemple, les fameuses chartes de consulat bien étudiées, mais qui arrivent parfois à une étape où la situation est déjà en place. Donc c'est plutôt des chartes qui confirment un état de fait au milieu du XIIe siècle. Et tout au long du XIIe et du XIIIe siècle, il y a ce problème du rapport donc avec l'autorité et du rapport normal de la gestion du public et du commun. Et on le voit dans l'indétermination terminologique dans lequel le système politique est appelé. Au départ, le système politique est défini par eux-mêmes, le consulat. Par la suite, on commence à parler de commune au début du XIIIe siècle. Et on réfléchit à cette identité commune, l'identité générale de la cité, l'universitas, au milieu du XIIIe siècle, qui devient le véritable noyau de la participation politique urbaine. La participation politique, question d'actualité, avec toute cette réflexion qui nous vient de ces expériences, de ces laboratoires issus du Moyen-Âge. Merci beaucoup Claire-Jude de la Rivière de nous avoir parlé de ces cités italiennes et merci à vous Simone Balossino de nous avoir conduit en Provence. Et il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, comment l'écologie vint au colonialisme français ? En Polynésie, en Algérie, l'histoire des essais nucléaires français et de leurs conséquences sur les hommes, les femmes et leur environnement font débat depuis quelques mois. En Polynésie, c'est l'épidémie de Covid qui a stoppé le processus de reconnaissance des victimes des 193 essais nucléaires organisés entre 60 et 92, comme le rappelle Julien Sartre dans une enquête pour Mediapart. Pour l'Algérie, c'est un rapport publié par la fondation Heinrich Böll qui a mis les pieds dans le plat la semaine dernière. 17 essais nucléaires ont eu lieu sur place à partir de 1960, dans les airs et en milieu souterrain, dont le premier à Régane, dans le Sahara algérien. C'était le 13 février 1960. Voici maintenant que leur hache est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française. Certes, on pourra déplorer la pauvreté des images qui nous ont été fournies sur l'explosion dont on ne verra qu'un panache de fumée. Cela ne retire rien au fait, seul, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. En ouvrant les dossiers algériens et polynésiens, c'est toute l'histoire du discours colonial qui ressurgit. Comment il est né et comment il a prospéré pour transcender et dépasser la fin des empires coloniaux. Un discours mis en histoire par Guillaume Blanc dans son ouvrage « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». On y croise des ONG indignées, des chasseurs casqués et des organisations internationales protectrices des trésors de l'humanité. Et un paradigme toxique, les Africains seraient détenteurs d'une nature sauvage et intacte, mais incapables de la conserver comme il se doit, bref, ils ne la mériteraient pas tout à fait.